إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. On se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer la série des cours sur le tafsir de Juz'amma. On s'efforce par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de traduire les paroles de nos savants de la Sunna, Alhamdulillah. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés au cours numéro 17. Aujourd'hui, nous avons fini hier Sourate Al-A'la, le Très-Haut, et aujourd'hui nous commençons, Inch'Allah ta'ala, Sourate Al-Ghashiyah. Sourate Al-Ghashiyah, l'enveloppante. Qui est une sourate mécoise, prégérienne. Et il a été certifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité dans la prière du Jumu'ah et les deux prières du Eid, comme dans Sourate Al-A'la, comme on a vu hier. Donc c'est une sunna et il convient à chacun de la pratiquer de temps en temps. Naam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية إلى آخره. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول في الأول verset: t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, Al-Ghashiya? Et ici, comme on a vu, ici c'est une question pour affirmer. Pour affirmer. Donc le sens est, certes, le récit de l'enveloppante est parvenu. Et les savants disent que c'est aussi une question pour attirer l'attention, pour susciter chez la personne le désir, l'envie, hein, d'écouter ce récit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Le rang, verset 10, « Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce, ce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ?» Donc ça c'est une question pour susciter chez la personne, pour donner envie. « Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce, ce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ?» Naam. Et les savants disent c'est aussi pour montrer la grandeur de ce récit, qui est l'enveloppante, « Al-Ghashiyah ». Et ici, c'est le jour du jugement. Et elle a été appelée Al-Ghashiyah, c'est-à-dire l'enveloppante. Pourquoi? Car elle enveloppe les gens. Elle va couvrir les gens par la terreur, la frayeur, par les choses terribles. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les situations du jour du jugement et ce qu'il y aura comme frayeur désastreuse. Et que ces frayeurs envelopperont les gens par leurs calamités, par les calamités de ces frayeurs, et que les gens seront rétribués selon leurs actes, et que les gens seront séparés, distingués en deux groupes, un groupe au paradis et un groupe en enfer. Et justement dans les versets suivants, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe les descriptions de ces deux groupes. Il dit en décrivant le premier groupe, les gens de l'enfer, les malheureux, les mécréants, les criminels, les infidèles. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, « Wujuhu yawma idhin khashi'a ». Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, il y aura des visages humiliés, c'est-à-dire rabaissés, déshonorés et méprisés. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate, à la consultation, verset 45, et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif, jusqu'à la fin du verset. Allahu al-musta'an. Des visages yani sombres, humiliés, comme on a vu auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala continue à les décrire en disant Amilatun nasiba, préoccupés, harassés. C'est-à-dire épuisés dans le châtiment de l'enfer. Ils seront traînés wal'iyadu billah par leur visage. Et le feu enveloppera leur visage. Ils seront préoccupés par des œuvres qui épuisent, car ils seront traînés, comme on a dit, par des chaînes et des carcans. Ils pataugeront dans le feu de la Jahannam, comme patauge l'homme dans la boue. Wallahu al-musta'an. Ils seront épuisés par tous ces châtiments. Qu'Allah nous en préserve. Tous les châtiments de l'enfer qui vont subir, ça va les épuiser. Ça va les harasser. Et ils seront préoccupés par ces choses. Yani, Wallahu al-musta'an. Tasla naran hamiya. Ils brûleront dans un feu ardent. C'est-à-dire qu'ils brûleront dans un feu extrêmement chaud. Un feu qui a atteint l'extrême dans sa chaleur. Comme on a vu, un feu qui est supérieur au feu le plus chaud de ce bas monde. Imagine-toi le feu, yani la chaleur la plus intense. Imagine-toi la chaleur du soleil. Comment elle est dans cette dunya? Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ce bas monde, elle est le plus chaud de ce bas monde de 69 parties. Chacune de ces parties lui étant équivalente. Ils brûleront dans un feu ardent, un feu qui les cerne de toutes parts, qu'Allah nous en préserve. Et le fait que ça soit un feu, cela suffirait pour les châtier. Mais pour réaliser l'ampleur du châtiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit comme ardent. Car c'est plus, ça sera encore plus intense. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, hein, il montre cela car c'est plus intense dans l'avertissement et la menace de ce feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir montré et mis en évidence leur place en enfer et leur situation, il montre quelle sera leur nourriture et leur boisson. Quelle sera la nourriture et la boisson des gens de l'enfer. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Tusqa min aynin aniya » et seront abreuvés d'une source bouillante. Ces visages humiliés, ils seront abreuvés d'une source bouillante, c'est-à-dire d'une chaleur très intense. Ils n'auront que ça à boire, rien d'autre. Et en plus de cela, cette boisson ne vient pas avec facilité. Ils ne vont pas la boire avec facilité. Elle ne viendra pas à chaque fois qu'ils demandent, mais seulement quand leur soif s'intensifiera. Et ils imploreront à boire. Hein, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Kahf, la caverne, verset 29. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Jusqu'à la fin du verset. Donc lorsque cette boisson s'approchera de leur visage grilleront et tomberont. Et lorsqu'ils la buveront, elle déchirera leurs entrailles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad verset 15 « Et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. » Fin du verset. Ils ne profiteront en aucun cas de cette eau, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais cela ne fera qu'augmenter leur châtiment, qu'Allah nous préserve de cela. Et on avait déjà parlé de cela dans Surat la Nouvelle, celui qui veut revenir. Il dit ensuite, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. الضَرِيع dans la langue arabe. Certains savants disent que c'est un arbre ou une plante qui possède d'énormes épines. Hein? Elle possède d'énormes épines qui, lorsqu'elles deviennent secs, ces arbres hein, ou ces plantes, lorsqu'elles deviennent sèches, les animaux ne les mangent pas. Mais lorsque cet arbre est vert et frais, les chameaux en mangent. Les chameaux en mangent. Ils l'appellent aussi Ashibriq. Hein? Donc c'est une plante épineuse. Dans tous les cas, les gens de l'enfer mangeront de ces plantes épineuses. Mais ne pense pas au toit que ces plantes épineuses sont comme dans cette vie d'ici-bas. Elles sont d'une énorme différence. On ne peut s'imaginer qu'Allah nous en préserve. Ils mangeront de ces épines, yani de ces plantes épineuses, ces épines, yani dans le feu de l'enfer. Wal-iyadu billah. La yusminu wa la yughni min joua. Et ces plantes épineuses qui n'engraissent et n'apaisent pas la faim. C'est-à-dire qu'il n'engraisse pas, car elle n'est pas profitable pour les corps à l'extérieur. Elle n'engraisse pas les corps et ni ne les renforce. Et ni n'apaise la faim. Car elles ne sont pas profitables pour l'intérieur aussi. Elles n'enlèvent pas la sensation de faim. Donc, comme ils disent les savants, hein, quand tu as faim, yani, il y a deux choses. Donc soit tu ressens là, yani tu veux enlever la sensation de faim, hein, ou soit tu veux yani te nourrir pour grossir, etc., pour te renforcer. Mais là, il n'y aura aucune des deux. Aucune des deux choses. Il n'y a pas de bien dans cette nourriture. C'est qu'un châtiment, mais seulement des épines. C'est seulement une nourriture amère, nauséabonde et extrêmement mauvaise, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les gens du bien ensuite, le deuxième groupe. Les bienheureux, les gens du paradis. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala « Wujuhu yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliya la tasma'u fiha laghiya fiha 'aynun jariya fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah » Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Ce jour-là, le jour du jugement, les visages des pieux, des croyants, seront épanouis. Tu reconnaîtras sur leur visage et sur leur corps l'éclat de la félicité, de la joie, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné parmi les délices et l'énorme récompense. La joie et le bonheur apparaîtra sur leur visage. Et même avant cela, dans leur tombe. Même avant cela, dans leur tombe. Comme il est venu dans beaucoup d'autres hadiths, que leur tombe va s'étendre et on leur ouvrira une porte du paradis. Hein, il sentira un ruh du paradis et il verra les délices. Il connaîtra sa fin, alhamdulillah. Il sera déjà dans un bienfait dans sa tombe. Qu'Allah il fasse qu'on fasse partie de ces gens. Hein, au contraire des gens de l'enfer, ceux qui vont se faire châtier dans l'enfer, dans la tombe awwalan, en premier. Allahu al-musta'an. Lisa'iha radiya, content de leurs efforts. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts. Les efforts qu'ils ont faits dans ce bas monde, comme œuvre pieuse et bienfaisance envers les serviteurs d'Allah. Ils seront contents de ce qu'ils vont trouver comme récompense qui leur incombe. La récompense qui leur était réservée et qui sera multipliée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate la preuve al-bayyina, verset 8, leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Fin du verset. Donc ils ont eu une bonne fin et ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Dans ce qu'ils ont œuvré dans cette dunya, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'éloignement des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée, s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui émet la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, yani, ils seront contents de leurs efforts. Celui qui va prendre yani, le livre dans sa main droite, comme on a vu, il sera content. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Fi jannatin aliyah » dans un haut jardin. Naam, un jardin qui est la demeure des délices, le paradis. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses alliés, pour ses serviteurs, les croyants. Le jour du jugement, ce qu'aucun œil n'a vu. Ce paradis, comme on l'a vu plusieurs fois, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Un haut jardin. Pourquoi ? Parce qu'il est élevé dans le plus haut degré du paradis, al-'Illiyyin, al-Firdaus. leurs demeures seront élevées. Non seulement ils seront élevés au paradis, mais leurs demeures, ils seront élevés. Pour eux, il y aura des étages au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Et sous lesquels coulent les rivières. Subhanallah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, un haut jardin dont les fruits sont à portée de main. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de fruits délicieux et beaux, faciles à prendre, de sorte qu'ils pourront en manger de n'importe quelle position et situation. Debout, allongé, assis, pas de difficulté, pas besoin de monter dans l'arbre et aucune difficulté à en prendre. Subhanallah, quel bienfait. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, Allah il dit, la tasma'u fiha la ria, où ils n'entendent aucune futilité. Ils n'entendront au paradis aucune parole futile, aucune parole fausse. À plus forte raison, ils n'entendront aucune parole interdite. Pas d'insultes, ni de grossièreté, pas de calomnie, ni de médisance. Mais bien au contraire, leur parole sera que des bonnes paroles et profitables. Des paroles contenant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappelleront fréquemment les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, sur eux. Ils auront un bon comportement entre eux. Aucun mauvais comportement, contrairement à cette dunya. Que des bonnes paroles qui réjouissent les cœurs et tranquillisera leur poitrine, qui tranquillisent leur poitrine. Allah dit dans Sourat l'événement, versets 25 et 26, « Ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix. » Subhanallah. Dans cette dunya, combien de fois tu peux entendre yani, des paroles futiles? Les insultes, la médisance, la calomnie, des paroles fausses, Allahu musta'an. Mais dans ce paradis, alhamdulillah, tout ça va disparaître. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, « Qala fiha aynun jariya. » Là, il y aura une source coulante. C'est-à-dire qu'il y aura des sources coulantes. Allah nous montre dans un verset que ce sont des ruisseaux, des rivières. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. » Et comme il est venu dans le hadith de Muawiyah, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute ce hadith, yani, subhanallah, qui te montre yani, l'énorme délice que tu pourras avoir au paradis. Il y a certes dans le paradis une mer d'eau, une mer de lait, une mer de miel et une mer de vin. Puis ensuite, elle se sépare en fleuves. Et comme on avait vu, tous ces fleuves, elles viennent d'où? De Firdaus. Et le Firdaus, comme on a vu, c'est le plus haut degré du paradis, mais qui se trouve au milieu. Subhanallah, l'endroit le plus élevé. Hein, imagine-toi ici, par exemple, des montagnes. Yani, la montagne ici la plus élevée, elle est au milieu de toutes les autres. Subhanallah. Et comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les fleuves du paradis jaillissent sous des montagnes de musc. Les deux hadiths sont authentifiés par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et d'autres hadiths qui sont nombreux. Donc des sources coulantes qu'ils feront jaillir. Les gens du paradis, ils feront jaillir et qu'ils utiliseront comme ils le veulent, à leur guise. Il y a des sources, subhanallah, qui ne s'interrompent jamais, qui ne s'épuisent pas. Voilà les boissons des pieux et des bienfaisants au paradis. Qu'Allah il fasse qu'on fasse partie de ces gens. Amin. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة là des divans élevés. Effectivement, ils s'assieront sur des divans surélevés dans le paradis, comme on avait vu auparavant. Ces divans ne seront pas abaissés, mais surélevés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction approximative, eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Et dans un autre verset, sur des lits ornés d'or et de pierreries. Imagine-toi, subhanallah. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart. Et pour celui qui veut voir c'est quoi le brocart, qui regarde. Naam. Mais comme on a dit auparavant, toutes ces choses qu'on va trouver au paradis, parmi les rivières de lait, de vin, de miel, ces lits ornés d'or et de pierreries, ces tapis doublés, etc., etc., toutes ces choses ne sont pas comme la réalité dans cette dunya. Naam. La similitude, comme il a dit Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée comme on l'avait cité auparavant, la similitude qu'il y a entre ces choses du paradis et ces choses de dunya, c'est juste le nom. Juste le nom. Et c'est pour ça que tu ne peux pas t'imaginer, yani, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucun... qu'une oreille n'a entendu, ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Naam. Donc, subhanallah, ils seront sur des lits surélevés, de sorte que le croyant, lorsqu'il s'assoit dessus, il regarde tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé parmi les délices et les royaumes dans le paradis. Wa akwabum mawdu'a, et des coupes posées, c'est-à-dire des récipients remplis de différentes boissons délicieuses, placés devant eux et préparés pour eux. Ils auront ce qu'ils demandent et choisiront ce qu'ils veulent. Et à chaque fois qu'ils voudront boire, ils trouveront ces coupes remplies. Et parmi eux circuleront des gens, des garçons éternellement jeunes pour les servir. Subhanallah. Tu bois à ta guise. C'est jamais interrompu. Quand tu veux, tu bois. Ce que ton nefs y désire, tu l'auras. Et en plus de cela, des garçons éternellement jeunes pour les servir. Quel grand bienfait. Wallah, il faut œuvrer, mes frères. Mes soeurs, il faut œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Parce que le paradis, il a été préparé pour les al-muttaqin, pour les gens pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui lui obéissent dans les ordres et qui délaissent ses interdits, ceux qui placent entre eux et le châtiment d'Allah azzawajal une protection. Et c'est ça. Naam. Et des coussins rangés. قال ونمارق مصفوفة. Et des coussins rangés. Yani, c'est-à-dire des coussins de soie et brocart. Et autres que celles, Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. Des coussins alignés et rangés pour s'asseoir et s'appuyer dessus. Il n'y aura pas de fatigue au paradis, comme on a vu, ni d'effort. Hein, ils seront reposés de ne pas s'occuper de poser ces coussins et ni de les aligner et de les ranger eux-mêmes. Il y aura à eux, au service de ces... des gens du paradis, des garçons éternellement jeunes pour les servir. Tout sera préparé pour eux. Il n'y a pas d'effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative, ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Subhanallah. Et il dit ensuite dans le verset qui suit, et des tapis étalés. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ. C'est-à-dire des tapis étendus et jolis. Ils seront épais, comme on a vu dans le verset cité auparavant. Ces tapis seront en grande quantité et étalés de toutes parts. Ceci est la récompense des bienheureux et des gens pieux. Naam. Voici la description de ces deux groupes. Les gens de l'enfer, wal'iyadu billah. Hein? Leur visage, yani, Allahu al-musta'an, humiliés, préoccupés, harassés, ils brûleront dans un feu ardent, ils seront abreuvés d'une source bouillante, pas de nourriture excepté des plantes épineuses, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Alhamdulillah, les gens du paradis, des visages épanouis, heureux, contents de leurs efforts. Ils seront dans un haut jardin du paradis. Et tout ce qu'on a cité par la suite, pas de futilité, pas de paroles futiles, des sources en abondance, sur des divans élevés, avec les houris, les femmes du paradis, ainsi que les femmes croyantes de cette dunya, et des coupes posées, comme on avait vu auparavant, le vin leur sera versé. Un vin qui ne fait pas mal à la tête, qui n'a pas d'odeur nauséabonde. Un vin délicieux. Seul celui qui s'en est détourné dans cette dunya et qui s'en est éloigné pourra en avoir. Hein, sur des coussins rangés, des tapis étalés, tout cela pour t'inciter, alhamdoulilah, à faire des bonnes œuvres, à multiplier les bonnes œuvres, à te précipiter vers les bonnes œuvres et à s'éloigner des interdits. Pourquoi? Parce que tu sais que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir ila akhiri sura jusqu'à la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ça inshallah ta'ala on va l'expliquer demain bi'idhnillahi ta'ala la suite, parce qu'elle est un peu longue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il incite ici ceux qui ne croient pas au messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il incite ici, il encourage les autres gens aussi à méditer sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prouve quoi? Qui prouve son unicité. Son unicité, son immensité, sa capacité parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala informe sur une chose parmi ses signes ou sur des choses parmi ses signes universels, prouvant sa capacité. Naam. Et ces signes qui sont devant leurs yeux, comme on va le voir. Bien que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux, on ne peut les dénombrer, mais Allah subhanahu wa ta'ala ici dans les versets, il informe sur des choses qu'ils connaissent. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, les Arabes, hein, ils observaient chaque instant ces choses. Hein, et ce sont des choses qui prouvent l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux? Comment ils ont été créés? Et inshallah ta'ala, la suite au prochain cours. Barakallahu fikum. Pour celui qui veut finir cette énorme et cette grande sourate qui est l'enveloppante, on terminera demain. Inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. prochain rendez-vous inshallah ta'ala ce soir à 22h heure française pour le cours de notre frère Youssouf Abu Abdel Razak, qu'Allah lui facilite et le préserve. Soyez présents, barakallahu fikum. Profitez de ces moments, profitez de ces moments. Ce ne sera pas toujours comme ça. Il faut se précipiter vers les bonnes œuvres. Et ça fait partie des meilleures œuvres. Apprendre sa religion. Hein, la science profitable. Naam. On se dit à demain, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.